Donc, qu'est-ce que je On voulais te dire? s'écoute. Non, la question, c'est dans quel endroit se passe la chasse aux escargots? Et on va s'écouter le gibier sur un noir avec des poils sur l'anus. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique direct et www.fr. Et on se retrouve tout de suite après.